إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته donc nous poursuivons بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل l'explication de آية الكرسي le plus grand verset dans le Coran le plus grand verset du Coran أعظمه Ayatul fil Qur'an, Ayatul Kursi. Et la semaine dernière ou le dernier cours, nous nous sommes arrêtés à la parole d'Allah Azza wa Jal, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Illa bi'idni. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et on avait dit qu'ici c'était la cinquième preuve qui nous a été donnée par Allah Azza wa Jal dans son livre. Cinq preuves qui nous prouve l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin de ce verset, il va nous rapporter d'autres preuves évidentes, claires, des arguments irréfutables qui prouvent qu'Allah Azza wa Jal, il est l'unique et que lui seul mérite d'être adoré. Et que tout ce qu'on adore en dehors de lui, c'est du batil, c'est du faux. Et que tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah, c'est une adoration qui est faite par injustice. Bidun haq. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Et donc, personne ici ne peut intercéder auprès de lui sans son autorité, sans son autorisation, sans qu'Allah Azza wa Jal, sans son accord, sans son autorisation, subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi? Parce que c'est à lui qu'appartient al-mulk. C'est qu'à lui appartient al-mulk, la royauté. De façon absolue, de manière absolue, Allah subhanahu wa ta'ala détient la royauté. Et donc, comment quelqu'un peut faire quelque chose ou entreprendre une action sous sa royauté sans son autorisation? Que ce soit shafa'a ou autre, que ce soit l'intercession ou autre. Donc à partir de là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est seul à mériter l'adoration. Si celui qui veut intercéder auprès d'Allah azza wa jalla, il ne peut sans que autorisation lui soit donnée. C'est une preuve de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et que lui seul mérite l'adoration. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en dehors de lui ne peuvent intercéder auprès de lui qu'après son autorisation, qu'après sa permission, subhanahu wa ta'ala. فَلِذَلِكَ يَقُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dit l'intercession tout entière appartient à Allah. C'est qu'à Allah qu'appartient cette intercession. Et cette intercession, il va la donner ou permettre à une de ses créatures d'y accéder par son autorisation. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Et ça fait partie, min shurut al-shafa'a, ça fait partie des conditions de l'intercession, qu'Allah Azza wa Jal donne son autorisation. Et c'est pour ça que dans un autre verset, également, Allah Azza wa Jal appuie ceci. فَيَقُولْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Illa liman adhina lah. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui qui est en faveur duquel il la permet. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fera profiter de cette intercession pour qui il veut, à qui il veut, après bien sûr son autorisation. Et comme vous savez, ash-shafa'atul 'uzma, la plus grande intercession, sera donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à notre prophète Muhammad ibn Abdullah, le jour de la résurrection. وهذا المقام المحمود المقام المحمود c'est-à-dire la place élogée ou la place qui est considérée comme une éloge. Et c'est pour ça qu'Allah عز وجل في كتابه يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Et donc ici مقصود المقام المحمود أو في هذه الآية مقاما محمودا هذه الشفاعة, c'est l'intercession qui sera donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette intercession qui est la plus grande, shafa'atul uzma, la plus grande des intercessions qui est donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est donnée par Allah azza wa jal et elle est donnée par son autorisation, comme cela est précisé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ففي الحديث كي رابورتي بار الإمام مسلم فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيت وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي. Je demande l'autorisation à Allah Azza wa Jalla. Le prophète qui est la meilleure des créatures et la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il demande la permission à son Seigneur pour cette intercession. Fayu'vanuli, c'est-à-dire que autorisation lui sera donnée. Autorisation lui sera donnée. Et ensuite, fa'idha ana ra'aytuhu waqa'tu sajidan. Il va, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tomber à terre sajidan, c'est-à-dire il va tomber à terre en se prosternant. Il va se prosterner. Fayada'uni ma sha'Allah, il va le laisser Allah subhanahu wa ta'ala le temps qu'il veut, et ensuite fayuqalu lahu fayuqalu ya Muhammad, on lui dira oh Muhammad irfa' ra'sak, relève ta tête, qul tusma', c'est-à-dire dis ce que tu as à dire et tu seras entendu, sal tu'ta, demande à ton Seigneur et on te donnera, ishfa' tushaffa', c'est-à-dire demande l'intercession et cette intercession te sera donnée. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'a accès à cette intercession qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui en a donné l'autorisation, al-idhn. Ensuite, et donc on dit que pour que l'intercession soit effective, il faut qu'Allah donne son accord. Mais donne-t-il son accord à tout le monde? Est-ce qu'Allah azza wa jalla va donner l'accord de cette intercession à tout le monde? Là, il faut savoir en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'intercession à qui? À qui il agrée, c'est-à-dire la personne dont il agrée, il lui donne, il lui permet d'intercéder. Sinon, il ne lui donne pas l'intercession en plus de l'autorisation. Donc cette autorisation, en fait, en plus de cela, on peut la comprendre ou on la comprend cette autorisation que pour les personnes qui sont agréées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلِذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ceux qu'il a agréés, Allah azza wa jalla leur permet d'intercéder. Sinon, ils ne peuvent intercéder. Et ça, en fait, c'est la deuxième condition. Fi shafa'a. La deuxième condition. Après l'autorisation, la permission, la deuxième, c'est laquelle? C'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rida. Ba'd al-idhn, ar-rida. Na'am. Et pour qui Allah subhanahu wa ta'ala il va permettre d'intercéder et il va agréer cette intercession. Il va agréer qu'on intercède. Ceci nous est précisé dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith alladhi rawahu al-Imam Muslim fi sahihi an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا ça c'est la personne qui va ou qu'Allah عز وجل va agréer pour son intercession. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة. Ici nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم, les hommes les plus heureux par rapport à mon intercession, c'est-à-dire qui vont accéder à mon intercession yawm al-qiyamah, le jour du jugement, man qala la ilaha illallah, celui qui a dit qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration sinon Allah subhanahu wa ta'ala, comment cela? Khalisan min qalbi, c'est-à-dire avec une pureté d'intention du cœur, qui sort du cœur, qui vient du cœur, c'est-à-dire qu'elle est pure. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise que ce sont al-muwahhidun, ceux qui n'ont rien associé à Allah Azza wa Jal, qui vont accéder à cette intercession. Khalisan min qalbi. Et comment peut-on comprendre de ce hadith que ceux qui sont tombés dans le shirk, al-mushrikun, ceux qui sont tombés dans le shirk et qui n'ont pas concrétisé l'unicité d'Allah Azza wa Jal, vont avoir accès à cette intercession, sachant que, il nous dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illallah, c'est-à-dire simplement la parole, simplement une parole qui sort tout simplement de la langue, rien d'autre, ou une parole qui sort du cœur. Et lorsque cette parole elle sort du cœur, c'est qu'elle a été comprise, qu'elle a été appliquée dans les actes, dans les gestes, dans l'adoration. Et donc ce sont ces gens-là, les monothéistes, les vrais et les véritables monothéistes, qui profiteront d'eux, al-shafa'a, qui profiteront de là, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette parole-là, elle nous a appuyé dans un autre hadith qui est également rapporté par l'imam muslim et également un hadith de Abi Huraira. An an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal li kulli nabiyyin da'watun mustajaba. Li kulli nabiyyin da'watun mustajaba, c'est-à-dire que chaque prophète, Allah Azza wa Jalla, il lui accorde une invocation, et cette invocation va être exaucée, c'est-à-dire qu'il lui exauce une invocation. Li kulli nabi, ça c'est un droit qu'Allah Azza wa Jalla a donné à tous ses prophètes, min fadlihi, min ihsanihi subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de cette faveur, de cette grande faveur qu'il fait à ses prophètes. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. C'est-à-dire que tous les envoyés, ils ont prononcé cette invocation, ils ont demandé à Allah Azza wa Jalla cette invocation. Fata'ajjala fi hadhihi dunya, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas. Ils ont en fait utilisé cette invocation qui leur est exaucée. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Wa inni ikhtaba'tu, c'est-à-dire que j'ai laissé cette da'wa, cette invocation, je l'ai laissée de côté. Je l'ai mise de côté, cette invocation. C'est-à-dire que je ne l'ai pas utilisée. Wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Pourquoi? Afin que j'intercède pour ma communauté yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min hirsihi li ummati, il était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bienveillant envers sa communauté, et qu'il a pensé à sa communauté non seulement dans cette vie d'ici-bas, mais il a pensé également à sa communauté dans l'au-delà, lorsqu'il a laissé cette da'wa, lorsqu'il a laissé cette invocation qui est exaucée par Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Et pour qui? Pour sa communauté. Pour sa communauté. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فينائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. C'est-à-dire celui qui va y accéder, inshallah, avec la permission d'Allah, ce sera celui qui va mourir parmi ma communauté, donc la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yushriku billahi shay'an. Il n'a rien associé à Allah azza wa jalla. Ça c'est la condition. La yushriku billahi shay'an. Et donc, ça vient en fait en conformité avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, kama fi riwayat al-ukhra. Et donc à partir de là, on s'aperçoit tout simplement que l'intercession, en conclusion, que l'intercession, c'est par la permission d'Allah Azza wa Jalla, et c'est également par l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qui? Pour les monothéistes, les gens du tawhid, ceux qui ont appliqué le tawhid. Donc on voit encore l'importance pour que les gens, non seulement soient heureux dans cette vie d'ici-bas et soient heureux dans l'au-delà, qu'ils comprennent le tawhid, qu'ils apprennent le tawhid, qu'ils appliquent ce tawhid comme il se doit. On voit également Boutlan, c'est-à-dire on voit que ceux qui adorent en dehors d'Allah Azza wa Jalla par l'intercession, c'est-à-dire qu'ils demandent l'intercession à des gens dont Allah Azza wa Jalla n'a même pas agréé, ou dont Allah Azza wa Jalla n'aura même pas permis d'intercéder, comme ils peuvent le faire auprès de certains morts, comme cela est malheureusement vu dans beaucoup de pays musulmans, où les gens viennent auprès des tombes et ils demandent aux morts l'intercession. Et si on leur demande pourquoi vous venez auprès de ces morts, est-ce que vous adorez ces morts, ils vont vous dire non, on ne les adore pas ces morts, nous on adore Allah Azza wa Jalla, mais on demande l'intercession à ces gens-là afin qu'ils intercèdent auprès d'Allah Azza wa Jalla pour nous. Et à partir de là, ils leur demandent à ces gens-là ce qu'ils demanderaient à Allah Azza wa Jalla. Et cette adoration-là est la même adoration que faisait Quraysh lorsqu'ils adoraient les statues. C'était la même adoration. Et c'était la même chouboua, c'est-à-dire le même doute, le même argument, le faux argument qu'ils empruntaient. Comme Allah Azza wa Jalla nous l'a cité dans son verset, lorsqu'il dit ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. هذا قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Ils ont dit en fait comme les adorateurs des tombes, Al-Quburiyun, ils ont dit la même chose. Pourquoi? Lorsqu'on leur disait pourquoi vous n'adorez pas Allah Azzawajal, ils disaient ma na'buduhum, et pourquoi vous adorez ces asnam, c'est-à-dire ces statues. Ils disaient on ne les adore pas, on n'adore pas ces statues. Ma na'buduhum. C'est-à-dire que si vous considérez que c'est une adoration, alors cette adoration, c'est tout simplement afin de nous rapprocher auprès d'Allah Azzawajal en degré, c'est-à-dire que l'on soit de plus en plus proche d'Allah Azzawajal. Donc, il prenait un intermédiaire entre l'adoration d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'il prenait un intermédiaire entre eux et Allah, entre eux et Allah Azzawajal, en adorant ces statues-là, et dans le but de quoi? De les rapprocher auprès d'Allah Azzawajal. Et c'est ce que font Ashab al-Qubur. Ils viennent auprès des tombes, yazbahoun wa yad'oun, c'est-à-dire qu'ils font des du'as, ils implorent al-mayyit, et ils égorgent auprès du mayyit, auprès du mort. Et cela, cette adoration-là, qui ne devrait être que dans le droit d'Allah Azzawajal, et qui ne peut être que dans le droit d'Allah Azzawajal, ils la font pour un autre que lui. Et cela, afin de se rapprocher d'Allah Azzawajal comme ils le disent, c'est-à-dire bishafara, c'est-à-dire par l'intercession. Et cet acte-là, en fait, c'est du shirk, c'est le polythéisme, l'associationnisme, bi'ayni, wallah al-musta'an. Et c'est pour ça que l'on trouve dans le Coran, on trouve en fait, comme disent les savants, deux sortes de shafara. Shafaratun manfiya ou shafaratun muthbita. C'est-à-dire une intercession qui est niée, une intercession qui est niée par Allah, subhanahu wa ta'ala, et une intercession qui est attestée, reconnue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle qui est attestée, c'est celle qu'on a vue auparavant, dans les versets qu'on a cités. Allah Azzawajal, il atteste cette intercession. Et comme dans le verset, ou comme dans la phrase du verset que l'on est en train d'étudier. Et al-shafa'atu al-manfiya, celle qui est niée en fait, l'intercession qui est niée, c'est celle que l'on retrouve comme dans la parole d'Allah Azzawajal, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fi wala khullatun wala shafa'a wala shafa'a wala shafa'atun wal kafirun. Ô les croyants, dépensez ce que nous avons attribué afin que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Ni intercession. Wala shafa'a. Ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fi wala khullatun wala shafa'a. Wala shafa'a, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Wal kafiruna humu zalimun. Donc à partir de là, on voit qu'ici, Allah Azzawajal yanfi al-shafa'a, c'est-à-dire qu'il nie toute intercession. Et cette intercession-là, c'est l'intercession donc qui est interdite. C'est celle que l'on demande auprès de ceux qui n'ont pas le pouvoir d'Allah et qui n'ont pas la capacité d'Allah Azzawajal. Allati tutla min ghayrillah fima la yaqdir alayhi illallah. C'est-à-dire cette intercession qui est demandée à un autre qu'Allah. Et dans quoi? Dans ce que seul Allah Azzawajal a la capacité d'accomplir, de faire, d'exécuter. Et ça, cette shafa'a qui comprend en fait le shirk, comme on l'a vu, c'est celle dont Allah Azzawajal nie. C'est celle dont Allah Azzawajal nie dans son livre. Donc on voit qu'il y a deux sortes de shafa'a. Shafa'atul manfiya, une intercession qui est niée, et c'est celle qu'on vient de citer. C'est celle qui est dans notre verse, dans le verset que l'on a cité et les autres versets également. À travers cette intercession, on voit l'unicité d'Allah Azzawajal et que c'est une preuve claire de son unicité, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la sixième preuve qu'Allah Azzawajal nous donne, c'est le verset en fait, ou plutôt la phrase du verset suivant. La phrase qui se trouve fi ayat al-kursi. On a vu que c'est ce verset comportait combien? 10 phrases. Et que dans toutes ces phrases, on va voir des preuves de l'unicité d'Allah Azzawajal, une par une, comme un collier ou comme des perles qui sont affilées dans un collier. Ensuite, يقول الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il connaît leur passé et leur futur. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe et nous donne science et nous donne connaissance de sa science, subhanahu wa ta'ala, une science qui est absolue, une science qui a englobé toute chose. أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a cerné de sa science toute chose et qu'il a dénombré toutes choses de par sa science, subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces choses, quand on dit toutes choses, ce sont des choses qui sont passées et des choses qui sont futures. Donc une science qui est parfaite. Une science qui est parfaite, subhanahu wa ta'ala. Et comment pourrait-on dire qu'Allah Azzawajal, de par sa science, n'embrasse pas toute chose ou ne cerne pas toute chose, alors qu'il est le créateur de toute chose? Donc c'est quelque chose plus qu'évident. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé toute chose, alors il sait mieux comment il a créé cette chose. Qu'est-ce qui va devenir cette chose? Yaqul Allah Azzawajal, Ala ya'lamu man khalaq wa wal latiful khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Wa wal latiful khabir. Donc Allah Azzawajal, le fait qu'il a créé toute chose, il connaît toute chose, une science qui est absolue. Il connaît toute chose de ses créatures. Ya'lamu ma fi sudur. Il connaît ce qui est même à l'intérieur des cœurs, même ce qui est à l'intérieur des poitrines, subhanahu wa ta'ala. Donc une science qui est absolue. Et cette science-là est une preuve également de l'unicité d'Allah Azzawajal. C'est la sixième preuve qui nous est citée par Allah Azzawajal. Cette science-là est une preuve qu'Allah Azzawajal est le seul à mériter l'adoration. Et que rien en dehors de lui ne peut connaître et ne peut avoir science comme lui, la science, subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqul Allah Azzawajal, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Et de sa science, il embrasse que ce qu'il veut. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Dans un premier temps, ici en fait, on a une preuve. Ceci nous prouve en fait l'incapacité des créatures et la limite de leur science. L'incapacité des créatures et la limite de leur science. Et qu'Allah ne leur a donné en comme science ce qui est infime, très peu. Comme قال الله عز وجل في الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. On ne vous a donné que peu de connaissances. Et qu'Allah en fait, comme on a dit, il leur a donné peu de science, une science qui est infime, comme il nous est précisé dans le verset. Et ensuite, يقول الله عز وجل إلا ما شاء. Illa Masha. Et ça en fait c'est encore une huitième preuve, une autre preuve. C'est-à-dire que chaque chose existante est subordonnée à quoi? Est dépendante également d'une dépendance absolue et continue de quoi? De la volonté d'Allah Azzawajal. Ou est dépendante de la volonté d'Allah et subordonnée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose qui est créée. Donc comment adorer une chose dont sa volonté est subordonnée à la volonté d'Allah Azzawajal et dépendante de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est encore une preuve du tawhid qu'Allah Azzawajal nous donne. Ensuite yaqul subhanahu wa ta'ala wasi'a kursiyu as-samawati wal-ard. Wasi'a kursiyu as-samawati wal-ard. Donc il traduit son trône déborde les cieux et la terre. Son trône al-kursi. Kursiyu, son trône déborde les cieux et la terre. C'est en fait la compréhension que l'on donne du verset, c'est-à-dire que le trône d'Allah Azzawajal englobe toutes les créatures. Yuhit, c'est-à-dire qu'il englobe, qu'il déborde les cieux et la terre de par sa grandeur, de par la grandeur de cette créature. Pourquoi? Parce que le kursi min al-makhluqat, c'est-à-dire le kursi fait partie des choses créées, qu'Allah Azzawajal a créées, comme al-arsh, comme on va le voir, comme al-arsh, ça fait partie des makhluqat. Wal-arshu arvamul makhlouqat, c'est-à-dire que l'arsh, que l'on traduit également l'arsh par le trône, et le kursi également que l'on traduit par le trône. Lakin al-farq bayn al-arsh wa al-kursi, c'est que al-arsh c'est le trône lui-même, wa al-kursi kama jaa at-tafsir, c'est-à-dire l'explication de Ibn Abbas, comme cela nous est rapporté par l'imam al-Tabarani fil mu'jam al-kabir bi isnadin hasan, c'est-à-dire une chaîne de transmission qui est acceptable. Yaqul dans ce tafsir du verset Ibn Abbas que al-kursi mawdi' al-qadamayn, c'est-à-dire c'est l'emplacement des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-qadamayn wal-qadam, c'est-à-dire les pieds d'Allah azawajal, min sifatihi al-dhatiya, ça fait partie des attributs d'Allah azawajal propres à son entité. Et bien sûr les sakami fliché, c'est-à-dire qu'Allah azawajal ne ressemble à rien de ses créatures, que ce soit de par sa main ou que ce soit de par son pied. Allah Azza wa Jal ne ressemble à rien. Rien ne peut ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, lorsque nous fbit et lorsqu'on atteste cela, on ne fait en aucun cas d'anthropomorphisme. Dans un premier temps, parce que l'on a attesté ce qu'Allah Azza wa Jal atteste et que ce que son prophète a attesté de lui. Et en plus de ça, on comprend Avinusus, c'est-à-dire ces textes-là, comme les autres textes qui sont en relation avec les attributs d'Allah Azzawajal, qu'ils soient propres à l'entité ou propres à l'acte divin, on les comprend suivant la règle fondamentale qui est comprise dans ce verset, Laysa kamithli shay, c'est-à-dire rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Et donc, en fait, elle courcit par rapport à l'arsh, et ça, on va le voir dans un hadith. On va le voir dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment et l'importance et la grandeur de Al-Kursi et également de Al-Arsh. Donc en fait Al-Arsh c'est le trône lui-même, ou Al-Kursi, même que l'on traduit également par le trône, mais c'est en fait Mawdi' al-Qadamayn. Et en fait, comme on a expliqué lorsque Ibn Abbas nous donne un tafsir de ce verset là, c'est un tafsir qui rentre dans la croyance même, une chose qu'il ne peut savoir que par l'information du prophète. Donc c'est un hadith ou c'est un athar d'Ibn Abbas, là où le hukm al-marfou', c'est-à-dire en fait que c'est une parole qui est, c'est-à-dire implicitement élevée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Ibn Abbas ne peut pas dire une telle chose de sa propre tête ou de son propre avis, c'est-à-dire il va expliquer ici Ibn Abbas quelque chose que seul il a pu connaître du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc hadha thabit, c'est quelque chose qui est attesté. Et dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment est la grandeur de Al-Kursi et comment également est la grandeur de quoi ? De Al-Arsh. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu. Yaqul dakhaltu al-masjid al-haram fa ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wahda fajalastu ilayhi fa qultu ya Rasulullah ayyuma ayatin nazalat alayka afdal. Abu Dharr, il est rentré du haram et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. Il s'est donc assis auprès de lui et lui a dit: ô prophète d'Allah, ô envoyé d'Allah, quel est le verset qui est descendu sur toi et qui est le meilleur? Qala ayatul kursi. Il a dit ayatul kursi, c'est-à-dire le verset du trône. Ma samawatu wal ardu fil kursi illa ka halaqatin mulqatin bi ardin falatin. Wa fadlul arshi ala al kursi كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية الكرسي. Va lui répondre par le verset du trône et il lui dit: les cieux et la terre fil kursi, c'est-à-dire par rapport, en comparaison avec al kursi, de par bien sûr une comparaison qui revient ici à la grandeur, par rapport al kursi, إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات, c'est-à-dire comme un cercle, un anneau qui serait jeté bi ardin falat wal falatu, c'est-à-dire l'ardu al wasi'atu al muqfira, c'est-à-dire une terre qui est très grande, très large et qui ressemble de par son aridité au désert, comme un désert bi ardin falat. Et donc on peut voir ici l'immensité de cette terre lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ce terme falat, c'est-à-dire la terre et les cieux par rapport au kursi, comme en fait un anneau qui serait jeté donc sur cette terre, sur cette immense terre, sur cette vaste terre. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en évidence ici quoi, la grandeur de Al-Kursi par rapport à la terre et par rapport aux cieux. Et donc regardez simplement lorsqu'on lève notre tête et qu'on voit la grandeur des cieux autour de nous, et lorsqu'on rabaisse nos regards et qu'on voit la grandeur de cette terre, que dire de Al-Kursi? Alors que dire en fait de du trône, ou plutôt du Mawdi' al-Qadamayn, c'est-à-dire l'emplacement des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette créature, c'est-à-dire une comparaison d'une créature à une autre créature ici qui est Al-Kursi au Samawati wal-Ard. Donc lorsqu'on réfléchit, on voit ici la grandeur. On voit la grandeur dans un premier temps de quoi? De Alil Makhluqa, c'est-à-dire on voit la grandeur de quoi? De cette créature qui est le Kursi. Et ensuite, wa fadlul arshi ala al kursi ka fadlil falati ala tilka al halaq. Il dit ensuite, ici le fadl bien sûr c'est par rapport à la grandeur. Donc la grandeur de al arsh, du trône, par rapport al kursi, donc on reprend les deux termes en arabe après les avoir définis. Wa fadlul arshi ala al kursi, c'est-à-dire la grandeur du arsh par rapport al kursi, ka fadlil falati ala tilka al halaq. Comme la grandeur de cette grande terre, de cette vaste terre, par rapport à quoi? À cet anneau. Par rapport à cet anneau. Donc il nous redonne encore une comparaison entre Al-Kursi et Al-Arsh. Comme Al-Kursi est immense par rapport à la terre et aux cieux, de même Al-Arsh est immense par rapport à Al-Kursi. Comme un anneau qui serait jeté en fait dans quoi? Dans une terre désertique. Et cet anneau-là représenterait Al-Kursi, et Al-Arsh représenterait cette terre, pour dire en fait quelle est la grandeur de Al-Arsh par rapport à Al-Kursi. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr c'est un hadith qui est authentifié, un hadith qui est rapporté par Abu Nu'aym fil Hilya, ou Abu Shaykh fil Azama kadhalik, ou Al-Bayhaqi fil Asma wa Sifat, et d'autres encore, et qui est authentifié par Charles Albani fil Silsilat al-Sahiha. Le numéro du hadith c'est le 109. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait prendre conscience non seulement de la grandeur de ces créatures, et donc on a dit que l'Arsh c'est la plus grande des créatures, mais également il nous fait prendre conscience à partir de là de la grandeur d'Allah Azzawajal. Il nous fait comprendre la grandeur d'Allah Azzawajal. Si non seulement nous on voit le ciel maintenant lorsqu'on lève notre tête et on voit la grandeur de ce ciel ou de ces cieux, Ajib, parce que durant le jour ou durant la nuit on voit toutes ces étoiles, on regarde l'immensité qui nous entoure, alors lorsqu'on réfléchit que Al-Kursi ce n'est rien, ou plutôt que cela, cette terre et ces cieux ne sont rien par rapport à Al-Kursi, et que Al-Kursi n'est rien du tout par rapport à Al-Arsh, alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne ressemble à rien et dont rien ne lui ressemble subhanahu wa ta'ala. Regardez un peu Azamatullah, la grandeur d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tafakkaru fi ala illah wa la tafakkaru fi Allah. C'est-à-dire réfléchissez sur les signes d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les signes, les créatures d'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'Allah Azza wa Jal vous a montré autour de vous, tous ces signes qui prouvent la grandeur d'Allah. Wa la tafakkaru fi Allah, et ne réfléchissez pas sur Allah lui-même. Pourquoi? Parce que votre cerveau ne peut comprendre. Votre cerveau, votre science, comme on l'a vu, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Votre science, votre compréhension ne peut en fait atteindre la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et ne peut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَعَمْ لَا تَفَكَّرُوا وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ. C'est-à-dire ne pensez pas à Allah. لَكِنْ تَفَكَّرُوا فِي أَلَا إِلَّا. C'est-à-dire réfléchissez sur les signes d'Allah. Et ce hadith là qui tafakkaru fi ala illah wa la tafakkaru fi Allah, c'est un hadith qui est hasan, hadith qui est rapporté par l'Alakai fi Sharh al-Irtiqad wa kadhalik Abu Sheikh fi al-Azama, et c'est un hadith qui est considéré comme hasan par Sheikh al-Albani comme fi sahiha, hadith numéro 1788. Tafakkaru fi ala illah wa la tafakkaru fi Allah. Et donc, bien sûr, ceci est une neuvième preuve. Une neuvième preuve par rapport à la grandeur d'Allah Azzawajal, et par rapport à quoi? De par cette grandeur, je veux dire, de par cette grandeur qu'Allah Azzawajal est le seul à mériter l'adoration. Et le seul à mériter l'adoration. Si on voit maintenant l'importance de Al-Kursi, l'importance de l'Arsh, alors on peut comprendre l'importance, ou on peut saisir l'importance d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, une grandeur on peut comprendre la grandeur d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire une grandeur qui est au-dessus de notre imagination, qu'on peut en fait s'imaginer, mais on peut la comprendre dans le sens que rien ne peut être plus grand que lui, subhanahu wa ta'ala. Nam. Ensuite, يقول الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما, c'est-à-dire لا يثقله ولا يتعبه, c'est-à-dire que le fait ou la traduction dont la guerre ne lui coûte aucune peine, c'est-à-dire que ce coursi hein, qui est immense, ولا يؤوده حفظهما, c'est-à-dire لا يثقله ولا يتعبه, c'est-à-dire que ce coursi ne lui coûte aucune peine, il ne le fatigue pas, il ne le fatigue pas, ولا يثقله. Donc à partir de là on voit que malgré la grandeur de cette créature, cela ne fait ou ne cause de peine ou ne cause de fatigue à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici c'est tout simplement pour mettre en évidence, Allah azza wa jalla met en évidence sa grandeur après avoir cité le coursi et après avoir nous avoir fait prendre conscience de cette grandeur. Il vient affirmer que cette grandeur du coursi, ce n'est rien par rapport à la grandeur d'Allah azza wa jalla. Pourquoi? Parce que ce coursi, de par sa grandeur, c'est-à-dire qu'il ne nous donne aucune peine et il ne le fatigue pas, subhanahu wa ta'ala. Et ça bien sûr c'est encore une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il coule ba'd dhalik, et lorsque maintenant on réfléchit, lorsqu'on nata'ammal, on contemple ce verset, lorsqu'Allah azawajal nous a parlé du al-kursi qui se trouve bien sûr au-dessus des cieux et de la terre, automatiquement s'il déborde et s'il englobe les cieux et la terre, al-kursi, automatiquement elle se trouve au-dessus des cieux et de la terre, donc elle se trouve au-dessus de nous, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite Allah azza wa jalla yaqul, et c'est là on va voir maintenant la relation, yaqul Allah azza wa jalla wa al-aliyyul azim, wa al-aliyyul azim, après avoir cité cela, Allah azza wa jalla il atteste son nom, un de ses noms qui est d'abord al-ali et ensuite al-azim. Donc on comprend ici que lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit Wasi'a kursiyus samawati wal ard, il a voulu par là préciser ou apporter une présentation à quoi? À al-ulu, c'est-à-dire à l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son élévation. À son élévation. Inam. C'est comme si c'était en fait une muqaddima. C'est comme si en fait c'était une introduction. Allah Azza wa Jal commence à nous faire prendre conscience de la grandeur de Al-Kursi, et que c'est le Kursi qui se trouve au-dessus des cieux et de la terre, et ensuite donc il précise Allah Azza wa Jal Al-Ali, c'est-à-dire le Très-Haut. Allah Azza wa Jal le Très-Haut, c'est-à-dire il va nous prouver maintenant, subhanahu wa ta'ala, son élévation, élévation sur toutes ses créatures. Donc on voit que, et également il dit Al-Azim, Al-Ali ou Al-Azim, et également sa grandeur. Donc Allah Azza wa Jalla a présenté sa grandeur lorsqu'il a dit Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Et ensuite, il l'a fait apparaître, il la manifeste par ce nom, Al-Azim. De même pour ce qui est de l'élévation. Donc on voit en fait ici la relation qui est entre cette phrase et la phrase d'avant. La phrase qui contient les deux sifat, les deux attributs, et la phrase qui se trouve juste avant. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Al-Ali, donc Allah Azza wa Jal c'est le Très-Haut, et donc lorsqu'on dit Al-Ali, ça comprend bien sûr un attribut, comme on l'a vu, yatadamman sifa, c'est-à-dire qu'il comprend, qu'il inclut, il comprend par inclusion un attribut qui est propre à ce nom, et c'est quoi? C'est Al-Ulu. Al-Ali, son attribut c'est Al-Ulu. Al-Ulu min sifatillah, c'est-à-dire Al-Ulu, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْعُلُو ثَلَافَةُ أَنْوَارِ, c'est-à-dire qu'il y a trois catégories d'élévation. Allah Azza wa Jal, lorsqu'on dit que Allah Azza wa Jal a l'élévation, qu'est-ce qu'on entend par là? عُلُو الذَّات وَعُلُو الْقَهْرِ وَعُلُو الْقَدْرِ أو عُلُو الشَّأْنِ, ça fait partie des trois élévations ou les trois catégories d'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont contenues dans ce nom Al-Aliyyu. Al-Aliyyu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, bien sûr, on va voir ici qu'à travers ces deux noms, Allah Azza wa Jal nous prouve également aussi, ou nous apporte deux preuves dernières et supplémentaires à son tawhid. Si Allah Azza wa Jal ou Al-Ali, il est le Très-Haut, il est au-dessus de toutes ses créatures, ou Al-Azim, c'est-à-dire qu'il est le plus grand, que son immensité n'est égal à aucune autre immensité parmi les créatures. Alors à partir de là, d'après ces deux noms, il nous prouve son unicité, il nous prouve qu'il est le seul à mériter l'adoration. Ulu al-Dhat, Ulu al-Qahr, Ulu al-Qadr. Ça, c'est les trois catégories de son élévation. Ulu al-Dhat. Lorsqu'on dit Ulu al-Dhat, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal s'est élevé de par son entité. C'est donc l'élévation propre à son entité, de par son entité, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première catégorie de Al-Ulu. Et la preuve de cela est le verset suivant. Et d'autres versets qui sont innombrables dans le Coran et qui nous prouvent et qui argumentent l'élévation d'Allah Azzawajal de par son entité. Yaqul Allah Azzawajal, Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset, on retrouve l'Arsh. Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. C'est-à-dire que le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Et on voit ici que le trône, comme on l'a vu, c'est-à-dire l'arche ici, l'arche est au-dessus des cieux et de la terre. Et on a vu l'immensité de l'arche, comme le prophète Sassan nous l'a prouvé. Dans ce verset, on comprend que lorsque Allah Azzawajal yaqul Ar-Rahman, tout miséricordieux, Ar-Rahman ou ala l'arche istawa, Allah, le tout miséricordieux s'est établi sur son trône, il s'est établi de par son entité. Et comment on le comprend dans ce verset également? Ar-Rahman. On a dit que Ar-Rahman, c'est un des attributs d'Allah Azzawajal. On va dire c'est un des noms Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce nom-là, il contient bien sûr plusieurs indications par rapport à ses attributs. Et la première indication, comme on l'a dit, c'est qu'il indique l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Yadullu ala dhatillah mutabaqatan, par correspondance. Et ça, c'est le cas de tous les noms. Chaque nom, il prouve l'entité d'Allah. Lorsque je dis Ar-Rahman ala al-Arshistawa, c'est comme si j'avais dit Allahu ala al-Arshistawa. Inam. Allahu bidhati ala al-Arshistawa. C'est comme si j'avais dit cela exactement. Inam. C'est comme si on avait compris cela. Ar-Rahman. Pourquoi? Parce que chaque nom d'Allah indique son entité et indique le nom d'Allah qui est bien sûr Allah al-Dhat, l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Donc Allah Azzawajal, de par son entité, s'est élevé au-dessus du trône. Et donc, ceci prouve l'élévation d'Allah Azzawajal sur toutes ses créatures. Sur toutes ses créatures. Ulu Allah ala khalqihi ajma'in. Ça, c'est la première catégorie. Ulu al-Dhat. Ensuite, la deuxième catégorie, Ulu al-Qahr. C'est-à-dire l'élévation d'Allah Azzawajal de par sa domination. De par sa domination. Inam. Allah Azzawajal, il domine toutes choses. Ça, c'est une élévation. Il s'est élevé par rapport à ses créatures de par sa domination. Rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et rien ne peut lui faire du tort, Allah, subhanahu wa ta'ala. Bel, lui, il empêche qu'il veut de faire ce qu'il veut. Et il fait du tort à qui il veut, de par sa sagesse et sa justice, subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut renverser son pouvoir ou prendre son pouvoir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est le dominateur. Ulu al-Qahr, il s'est élevé sur ses créatures de par sa domination. Et donc, c'est lui qui renverse, ou c'est lui qui donne le pouvoir, bien sûr un pouvoir relatif à qui il veut. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il donne le pouvoir à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Hada ulu al-qahr. Wa dalil ala dhalik min al-Qur'an, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Et il est le dominateur. Al-Qahir, c'est le dominateur, celui qui domine, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-Qahir, ça fait partie donc des noms d'Allah Azzawajal, Al-Qahir, et donc l'attribut qui est Al-Qahr. Wa huwa al-Qahir, fawqa ibadihi, au-dessus de ses créatures. Fawqa ibadihi, au-dessus de ses créatures. Est-ce que vous pouvez trouver un verset plus explicite dans l'attestation de l'élévation d'Allah Azzawajal au-dessus de ses créatures? Billahi. Tallahi wallahi. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Il est le dominateur au-dessus de ses créatures. Ici c'est fawal aliyu arfwan biqahrihi. Yani al-qahr. Wal aliyu biqahrihi. Ulu al-qahr. Donc l'élévation d'Allah Azzawajal de par sa domination. Et ensuite la dernière catégorie, ulu al-qadr. Ulu al-qadr. Ou ulu al-sha'n. ulu al-qadr ou ulu al-sha'an, c'est-à-dire l'élévation d'Allah Azzawajal de par son rang, son grade, sa valeur, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que on comprend que Allah Azzawajal, tous les attributs parfaits lui sont attestés. Tous les attributs d'Allah lui sont attestés. Donc ulu al-qadr, il s'est élevé Allah Azzawajal de par son grade, de par son rang, de par son de par sa valeur. C'est ça ma'na al-qadr, al-sha'an, au niveau de la langue. Donc on atteste que tous les attributs parfaits sont pour Allah et que tous les défauts, toutes les imperfections lui sont niées. On rejette toute imperfection dans le droit d'Allah Azzawajal. On rejette tout défaut dans le droit d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il s'est élevé de par une élévation absolue, de par son rang et son grade, subhanahu wa ta'ala. Et dalil ala dhalik qawlullah Azzawajal wa ma qadarullaha haqqa qadri wa ma qadarullaha haqqa qadri, c'est-à-dire ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. C'est-à-dire, ils n'ont pas estimé Allah Azzawajal suivant son rang. C'est-à-dire, un rang absolu. Un rang qui est au-dessus de tout autre rang. Un grade qui est au-dessus de tout autre grade. Enam. Et donc, dans ce verset-là, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ on voit عُلُوَ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ عَزَوْجَلُ وَالْعَلِي بِقَدْرِهِ وَالْعَلِيُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِشَأْنِهِ بِقَدْرِهِ. Et bien sûr, toutes les significations de l'élévation, que ce soit ulu al-dhat, ulu al-qahr ou ulu al-qadr, elles sont en fait inhérentes et elles sont inséparables. C'est-à-dire, lorsqu'on atteste une, on est obligé d'attester l'autre. Et pas comme on fait malheureusement les gens de l'innovation qui ont nié l'élévation d'Allah Azzawajal de par son entité, mais qui ont attesté l'élévation d'Allah Azzawajal de par son rang, sa valeur ou de par sa domination. Comment cela? Si Allah Azzawajal a dominé toutes ses créatures et qu'il s'est élevé de par sa domination et de par son grade, automatiquement, ou al-ali ou bi-dhati, c'est-à-dire l'élevé, celui qui élevait le Très-Haut, de par son entité. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Ou al-ali ou al-azim, al-azim qui comprend bien sûr un autre attribut, et cet attribut-là est pris de ce nom-là par inclusion, na'am, tabam munan, et c'est bien sûr al-azama, c'est-à-dire la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'immensité d'Allah Azzawajal, comme il nous l'a fait comprendre, comme il l'a mis en évidence dans la phrase juste avant. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Subhanahu wa ta'ala. Donc encore deux autres preuves qui nous prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à mériter l'adoration. Et c'est pour ça qu'il avait commencé ce verset Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. Et on a vu ensuite qu'il nous a rapporté Allah subhanahu wa ta'ala à travers toutes les phrases de ce verset-là, 12 preuves, exactement 12 preuves qui nous prouvent qu'Allah azzawajal, il est réellement comme il s'est décrit, Allahu la ilaha illahu, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala.